franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur l'affaire Battisti qui alimente la chronique judiciaire depuis 12 ans maintenant. Cette histoire, c'est celle d'une fuite en avant qui dure depuis plus de 30 ans. C'est la cavale d'un écrivain italien au passé de plomb qui pensait avoir trouvé refuge en France pour y mener une vie de plume. L'histoire d'un homme, ancien soldat perdu du communisme, accusé et condamné par la justice de son pays dans des affaires criminelles graves qui nous plongent dans les ténèbres des années 70 en Italie, qu'on appelle les années de plomb, marqueur d'une époque où la vengeance politique de centaines de jeunes révoltés marginaux s'exprimait par les armes, par le sang et en définitive par la mort. Parsemée de zones d'ombre et de témoignages incertains, l'affaire Battisti continue aujourd'hui encore de diviser l'opinion et de poser un cas de conscience aux autorités politiques. Après la France, c'est au Brésil que l'écrivain italien s'est réfugié depuis 2007, ce qui, soit dit au passage, ne règle rien sur le fond du dossier. Après le récit, nous donnerons la parole à notre invité, Karl Laske, journaliste à Mediapart, auteur de la première contre-enquête sur l'affaire, un ouvrage de référence intitulé « La mémoire du plomb », paru aux éditions Stock en 2012. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Dimitri Rousseau et Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 10 février 2004, rue Bleue, 9e arrondissement de Paris. Il est 9h30 lorsqu'à proximité du numéro 1 de cette rue, un bel immeuble de style haussmannien, plusieurs véhicules de police banalisés s'arrêtent. Dans les instants qui suivent, une dizaine d'hommes équipés d'armes de gros calibre et de gilets pare-balles en descendent. Après quelques mètres, ils s'arrêtent face au porche d'entrée. Au signal de leur chef, l'un d'eux appuie sur le bouton de service du digicode. La grande porte en bois se déverrouille, puis s'ouvre. En l'espace d'un instant, les fonctionnaires se précipitent à l'intérieur, armes à la main. Dans le hall, ils croisent le gardien qui, stupéfait, leur demande « Vous cherchez quelqu'un ?» Un policier s'avance et lui réplique « Êtes-vous Cesare Battisti ?» Le concierge répond « Oui, de la tête » et sans qu'il ait le temps de réaliser ce qui lui arrive, il est maîtrisé, puis menotté et enfin emmené manu militari dans son studio du 6e étage. Pendant que les fonctionnaires commencent à perquisitionner l'endroit, on explique à cet homme âgé de 49 ans, résidant sur le sol français depuis une dizaine d'années, marié et père de deux enfants, les raisons de cette visite matinale. Il se trouve que la veille, le parquet de Paris a mandaté la division nationale antiterroriste pour l'arrêter en vue de son extradition vers l'Italie. Pour Cesare Battisti, la nouvelle qu'il redoutait depuis longtemps tombe comme un couperet. Une demi-heure plus tard, les policiers l'emmènent, menottes au poignet, direction les bureaux de la division antiterroriste au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Relayée dans le courant de la journée par l'agence France Presse, la nouvelle de l'arrestation de Cesare Battisti par la police et sa mise en garde à vue sous verrou extraditionnel fait vite le tour des rédactions. Car bien loin d'être un paisible gardien d'immeuble, Cesare Battisti est surtout réputé en France pour sa qualité d'écrivain, un auteur connu et reconnu par la confrérie du Polar. Aussi, dans ce contexte, l'histoire de policiers français qui, en plein Paris, interpellent un homme de lettres pour le remettre à des autorités étrangères passe très mal ici, en France, où l'on croit encore dur comme fer que ce pays est celui des droits de l'homme. Mais de quoi Battisti est-il coupable, au juste ? Invité à se justifier le soir même face aux journalistes, le ministre de la Justice, Dominique Perben, entend couper court à la polémique. La France n'a fait qu'appliquer le droit international et répondre à la demande d'un pays ami de lui remettre l'un de ses ressortissants en fuite, dit-il. Puis le ministre affirme que l'arrestation de Cesare Battisti est tout à fait fortuite. On aurait découvert sa réelle identité par hasard dans une banale affaire de voisinage. Une justification qui est pourtant bien loin de convaincre les avocats, l'écrivain, et pour cause. Leur client s'est rendu lui-même au commissariat quelques semaines plus tôt avec sa carte de séjour en main pour signaler des dégradations de boîte aux lettres. Alors, pourquoi ne pas l'avoir arrêté à ce moment-là? Pourquoi cette démonstration de force? Quel était donc l'enjeu de cette interpellation? Écoutez les doutes, par exemple, de l'éditeur des romans policiers de Battisti. quand on nous dit qu'il était recherché, il y a de quoi rigoler, étant donné que Cesare a participé à des débats dans les librairies, il a participé à des ateliers d'écriture, il allait faire des signatures, il a donné des interviews à des journaux, il s'est exprimé, et tout le monde savait où il habitait, et il ne s'est pas caché. En effet, Cesare Battisti recevait fréquemment des journalistes chez lui, dans son studio au 6e étage de la rue Bleue. On l'invitait également ici à France Inter, chez Kathleen Evin ou chez Daniel Mermet. Battisti racontait son travail d'écriture et parlait de ses romans. Pourtant, c'est bien cet homme-là qu'on met en prison aujourd'hui en attendant que la justice statue sur son sort. Désormais, pour lui, les barreaux ont remplacé les stylos. Mais dehors, la polémique enfle. Beaucoup se demandent pourquoi cet épisode intervient 13 ans après l'arrivée de l'écrivain en France. Ne pouvait-on pas le confondre avant, s'il fallait l'expulser? Et que cache-t-il de son passé? Pour le comprendre, il est nécessaire de remonter le temps, comme souvent. En l'occurrence, au cœur des années 70, à une période où l'Italie, notre nation cousine, est passée tout près du chaos. A peur. Il n'est pas 8h30 ce matin lorsque M. Aldo Moro, qui vient de sortir de chez lui dans un quartier résidentiel au nord de Rome, tombe dans l'embuscade de Carrefour plus loin. Tout va très vite, sous un soleil printanier, dans un quartier encore désert, le commando bloque les deux voitures, massacre 4 des 5 membres de l'escorte à coups de pistolet et sans doute de mitraillette, et force M. Aldo Moro à monter dans leur voiture. À peine connue, la nouvelle fait stupeur. J'ai vu sur place, d'où je reviens à l'instant, les corps des membres de l'escorte encore étendus sur le sol, recouverts de draps blancs. Les pare-brises sont criblés de balles, il y a du sang partout. Rome, 16 mars 1978. Le monde entier découvre le vrai visage d'une Italie en guerre contre elle-même, celle d'un État démocratique qui, depuis 1968, doit faire face au terrorisme d'une partie de sa population sur son propre territoire. Face au plasticage, braquage, manifestation, l'État italien et ses carabiniers semblent débordés et incapables de ramener à la raison ces dizaines de milliers de militants politiques extrémistes, de gauche mais aussi de droite, qui semblent prêts à tout pour remettre en cause la démocratie. Revendiquée par le groupe Les Brigades Rouges, l'une des organisations révolutionnaires les plus structurées et les plus radicalisées de l'extrême gauche italienne, l'enlèvement d'Aldo Moro sert immédiatement d'instrument de propagande politique dans ce qu'on appelle à l'époque la vengeance prolétaire, une idéologie à laquelle adhèrent des milliers de jeunes. L'acmé de cette crise se déroule 55 jours plus tard, quand on retrouve le corps du président de la démocratie chrétienne dans le coffre d'une voiture. On a assassiné Aldo Moro, un homme politique de tout premier plan, fait gravissime dans un pays aussi démocratique, puissant, brillant et moderne que l'Italie. Voilà qu'on y pratique des meurtres à la colombienne. Depuis l'épisode Moro, la péninsule devient le théâtre d'une vendetta à ciel ouvert où tout ce qui représente l'État est une cible. Policiers, juges, gardiens de prison, professeurs, dirigeants d'entreprise sont tués ou blessés aux jambes en signe d'avertissement, comme cet homme, Roberto Puddu, qui raconte comment on a tenté de l'assassiner en pleine rue à Rome. C'est ici que j'ai reçu le premier coup de feu. Je l'ai reçu dans cette jambe. J'étais terrorisé. J'ai essayé de m'enfuir par ici. Mais j'ai reçu un autre coup de feu dans le dos. C'est ce portefeuille qui m'a sauvé la vie. Regardez, on voit le trou de la balle dans cette carte. J'avais si mal que je me suis effondré par terre. Mais les terroristes ont tiré encore, 4 ou 5 fois dans ma jambe. Je les ai suppliés d'arrêter. Mais ils ont tiré encore, 5 fois. Au même moment, à Milan, dans cette période de radicalisation brutale et armée, apparaît un petit groupe baptisé Prolétaires Armés Communistes, les PAC. À l'origine, il ne s'agit que de quelques amis qui se retrouvent pour publier une revue anticarcérale autour d'un chef, Arrigo Cavallina. Et très vite, leur combat va les envoyer faire parler la poudre dans la rue. De nombreux jeunes vont venir s'agréger au mouvement et parmi eux, un certain Cesare Battisti, 23 ans. D'extraction sociale ouvrière, il se fait rapidement connaître par la police lors de son adolescence pour des petits larcins. Puis il devient un bandit de seconde zone, celui qu'on appelle quand il manque quelqu'un sur un coup. Ce qui finit par l'amener en prison, et c'est là qu'il rencontre Arrigo Cavallina, le futur chef des PAC. À sa sortie, au début de l'année 78, loin d'être un idéologue, Battisti rejoint les prolétaires et participe aux casses de bijouterie, braquages de bureaux de poste et de supermarchés qui permettent l'autofinancement du groupe. En échange, la petite organisation lui garantit le gîte, le couvert et des faux papiers. Battisti est une sorte d'ouvrier spécialisé du crime en résidant chez les dingues. Car très vite, tout cela dérive, évidemment. À la manière de chiens sans collier, ces prolétaires-là s'en prennent à tous les ennemis potentiels, aux proies faciles, plus galvanisés par l'action que motivés par l'objectif politique. Ainsi, au fur et à mesure, d'après les témoignages, Battisti s'imposerait comme l'un des cadres du groupe. Activement recherché par la police italienne, celle-ci le soupçonnerait déjà d'être un marginal assassin qui tue pour survivre et qui serait impliqué dans 4 affaires d'homicide ou de tentative d'homicide. Aussi, lorsqu'il est arrêté le 26 juin 1979, le Corriere della Sera titre sans l'ombre d'un conditionnel « La police arrête un droit commun employé comme tueur ». Mais Battisti s'évade, quelques mois plus tard. C'est le début d'une longue cavale. Pendant ce temps, placé sous des lois d'exception qui renforcent ses pouvoirs, la justice glane assez vite des éléments solides contre Cesare Battisti, grâce notamment au repenti. Cette organisation ne représente pas, ne représente plus du tout les valeurs pour lesquelles elle s'est battue. Je pense qu'elle n'a plus aucune justification sur le plan politique. C'est pourquoi j'ai décidé de collaborer avec la justice. Collaborateurs pour la police, traîtres pour leurs amis, les repentis vont être très précieux pour la justice italienne dans les années 80. On l'a vu aussi avec les grands procès de la mafia en Sicile. En échange d'une remise de peine, la plupart balancent. C'est le cas d'un clandestin arrêté en 1982, Pietro Muti, l'un des fondateurs des PAC. Il livre aux enquêteurs sa version concernant l'un des assassinats dont était soupçonné son groupe, justement. Il affirme avec certitude que c'est bien Battisti qui, le 6 juin 1978, était l'auteur du tir mortel contre Antonio Santoro, le gardien de prison assassiné en pleine rue à Udine. Puis ce sont d'autres témoignages, seulement des témoignages qui viendront clore un dossier d'instruction fourni, oui, mais pas assez pour une arrestation digne d'un état de droit. Pourtant, en ces temps troublés, la justice doit trouver des coupables. Toute l'Italie est dans un état de névrose avancée. Alors, il faut répondre aux angoisses d'un peuple sévèrement secoué par ces années de plomb. Au début de l'année 81, Cesare Battisti a 27 ans, il est sans argent. Comme première destination d'exil, il décide de traverser les Alpes et de se rendre en France. Ce pays est géographiquement proche et d'autres enfants perdus de la révolution prolétarienne manquée s'y sont déjà réfugiés. Mais Battisti comprend très vite qu'il ne peut pas être en sécurité à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Italie. Il poursuit donc son voyage au Mexique. Il y restera jusqu'en 1990. Pendant ce temps, la justice italienne poursuit son travail et le condamne par contumace en 1988 à perpétuité pour 2 meurtres ainsi que pour complicité d'assassinat dans 2 autres crimes revendiqués par son ancien groupe, les PAC. Une décision confirmée par 2 fois en appel en 1990 et en 1993. Au début des années 90, Cesare Battisti refait surface à Paris. Étonnant retour en Europe, pourrait-on penser ? Non. Car son choix est judicieux. Voilà un pays, la France, dont le président François Mitterrand s'est engagé en public en 1985 à ne pas extrader les anciens activistes et terroristes d'extrême gauche n'ayant pas commis de crimes de sang et surtout ayant rompu avec leurs engagements terroristes. Ils tuent, il faut les mettre à la raison. Je n'en fais pas une politique. Le droit d'asile, dès lors qu'il est un contrat entre celui qui en bénéficie et la France qui l'accueille, sera toujours et a toujours été respecté. Je refuse de considérer a priori comme terroristes actifs et dangereux des hommes qui sont venus particulièrement d'Italie longtemps avant que j'exerce les responsabilités qui sont miennes et qui venaient s'agréger ici ou là dans la banlieue parisienne, repentis à moitié, tout à fait, je n'en sais rien, mais hors du jeu. Cet engagement verbal que l'histoire retient sous le nom de la doctrine Mitterrand va permettre à plus de 300 exilés italiens de trouver refuge dans l'Hexagone. Malgré son passé trouble, Battisti pense pouvoir profiter de cette situation favorable pour redémarrer une nouvelle vie à Paris. De fait, en 1991, la Cour d'appel de Paris refuse une première fois son extradition. Reconverti en gardien d'immeuble, il se lance dans l'écriture et publie plusieurs nouvelles sur fond de trame policière. Preuve de son intégration réussie, il obtient en 1998 une carte de séjour. Et pour une raison qui échappe encore à son entourage, l'Italien se décide à revisiter par l'écriture l'histoire des prolétaires armés dont il a fait partie 20 ans plus tôt. Le résultat est un roman intitulé « Dernière cartouche », livre dans lequel il relate, dans une version sublimée, intime et romancée, l'affaire du meurtre du gardien de prison pour lequel il avait été condamné. L'Italien commet là sa première erreur et il le reconnaîtra par la suite. Jusqu'alors, personne ne s'occupe de moi. J'ai écrit ce bouquin, il a marché, mais il a fait remuer beaucoup de choses. Premier plongeon dans un engrenage infernal qui va le conduire à sa chute. Car au même moment, en Italie, Silvio Berlusconi reprend les rênes du gouvernement. Alors en possession des pleins pouvoirs, et dans le cadre de sa politique aussi populiste que sécuritaire, il annonce que l'Italie entend mettre la main sur tous ces terroristes responsables des allées noires pendant les décennies 70-80. Ainsi, quelques mois plus tard, en 2002, le ministre italien de la Justice, Roberto Castelli, se rend à Paris avec une liste d'une dizaine de noms que l'Italie entend récupérer. À l'Élysée, Jacques Chirac donne son feu vert pour que la justice française participe à la traque. Première victime de cet accord cordial entre la France et l'Italie, Paolo Persichetti, ancien membre des Brigades Rouges, réfugié en France depuis 10 ans. Il est arrêté, puis extradé, ce qui provoque un choc parmi les réfugiés italiens qui pensaient être définitivement protégés en France, terre d'asile. Parmi eux, Cesare Battisti. Évitant tous soigneusement un rappel à sa situation personnelle, il joue l'indigné au micro de France Inter. Je m'inquiète pour moi-même et pour tous les autres, pour ce que cela veut dire politiquement. C'était vraiment une bonne face de la France. C'est pas vrai qu'on puisse livrer à l'Italie des Berlusconi avec le gouvernement qui la présente et tout cela. On puisse livrer aujourd'hui des gens qui ont vécu, qui vivent ici depuis 20 ans, qui ont été accueillis et protégés par la France. C'est jamais arrivé, même pas le gouvernement le plus à droite. Personne n'a jamais remis en cause la parole de la France. C'est vraiment lâche. Moi, je pourrais comprendre éventuellement un pays du tiers-monde auquel l'Italie, Berlusconi, promet ses milliards. Mais la France, de quoi elle a besoin? Je ne comprends pas pourquoi faire quelque chose pareil. Voilà. Qu'est-ce que ça cache derrière cela? Qu'est-ce que va donner en échange l'Italie là-dessus? 2 ans après cet épisode, et alors qu'il sent désormais que jour après jour, l'étau se resserre autour de lui, il est arrêté, comme nous l'avons vu, le 10 février 2004, par la Division nationale antiterroriste dans le hall de son immeuble, rue Bleue, puis incarcéré à la Maison de la Santé. Le gangster de Milan devenu écrivain ne le sait pas encore, mais c'est désormais pour lui, en quelque sorte, le début de la fin. Presente tão atrasado. Se correr um bicho pega, pega esse filé. Não tem reza, não tem choro, Deus dará quando vier. Embaixo o sul morre afogado. Eu já nem sei pra que lado fica a casa do diabo. Chegou o ano 2000, viva os fogos de artifício. O mundo virou milênio e o Brasil um sacrifício. Moi je ne suis pas tout seul réfugié ici, on est nombreux, tous dans la même situation et tous on est sous les dangers qu'un changement d'air et hop on tombe dans l'abîme. Ça suffit, il faut que ça s'arrête une fois pour toutes. Mercredi 3 mars 2004, maison d'arrêt de la santé, Paris 14e arrondissement. Après 20 jours de détention provisoire, Cesare Battisti sort de prison. Ses soutiens sont venus en nombre, tout comme les télévisions. Un important dispositif de gendarmerie mis en place pour maintenir cette foule dense qui rassemble plusieurs centaines de personnes. Souriant, triomphant, Battisti s'extrait de la cohue et lève haut le poing. Quelques mètres derrière, ses avocats, eux, font grise mine, car ils savent qu'il est encore trop tôt pour crier victoire. Puis on aperçoit dans la foule les filles de l'écrivain venues retrouver leur père. Ici, des amis, là, des soutiens ou encore des lecteurs qui tenaient à être présents, dont son ami la romancière Fred Vargas, qui dans un élan spontané se jette dans ses bras. L'écrivaine lutte avec abnégation depuis l'arrestation du romancier italien. Elle entend désormais démontrer qu'en Italie, l'accusation ne tient pas. Pendant presque un mois, l'opposition socialiste mais aussi le grand public a pris fait et cause dans sa très grande majorité pour Battisti, lui, l'écrivain italien qu'on a mis en prison, lui qui a dû fuir son pays placé sous des lois d'exception et qui l'a jugé par contumace sans qu'il ait pu se défendre, rendez-vous compte. Peut-être, seulement à sa sortie de prison, le débat public tourne progressivement en sa défaveur car il va désormais porter sur le fond de l'affaire. Hormis quelques courageuses exceptions, les journaux qu'il avait jusque-là défendus semblent subitement retourner leur veste. Sur la scène médiatique, les pros et les anti-Battisti s'affrontent par tribunes interposées. Le cercle des appuis politiques en faveur de l'écrivain s'est pourtant élargi, avec notamment Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, qui estime que le temps a fait son œuvre ou qu'il devrait le faire. De l'autre côté, dans le camp de ceux qui soutiennent l'extradition, trouvent de nombreux magistrats qui interviennent pour défendre leurs collègues italiens. Qui mieux qu'eux peut les comprendre. Dans les médias français, des personnalités italiennes s'expriment, comme Barbara Spinelli, éditorialiste à la Stampa, qui dénonce, je la cite, « l'ignorance militante des soutiens français à l'écrivain ». D'autres, comme le procureur adjoint de Milan, Armando Sparato, rappellent que la culpabilité de Battisti a été reconnue lors de plusieurs procès pour des faits criminels très graves. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été jugé comme exécuteur ou comme instigateur de ces quatre meurtres. S'il est extradé, Battisti sera immédiatement incarcéré. Il écopera de la prison à vie. Il n'y aura pas de répétition du procès. Ce dernier est définitif parce que Battisti s'est enfui de la prison où il était enfermé. Quelques semaines après sa libération et alors que l'opinion publique française est toujours partagée, Battisti décide de publier une tribune dans le journal Le Monde. « Comment puis-je contrer la rumeur qui m'accable, qui me fait porter des surnoms odieux de criminels, d'assassins, de tueurs », écrit-il. Puis il évoque ses courtes années d'errement. Il assure qu'il est difficile de pointer des responsabilités et des vérités individuelles sur un passé collectif et qu'il a été jugé sans avoir eu la possibilité de se défendre. Jugé de façon inéquitable pour un crime qu'il n'a pas commis, voilà sa ligne de défense. Mais au même moment, en Italie, on rappelle les 36 inculpations, dont 4 pour homicide qui remplissent son casier judiciaire. Ce pays a besoin de panser ses plaies. Des journalistes français sont donc invités à se rendre en Lombardie pour interviewer les victimes des crimes pour lesquels la justice italienne a condamné Cesare Battisti. comme ici, avec Alberto Torreggiani, 42 ans. Le 16 février 1979, en pleine rue, son père a été abattu sous ses yeux. Pendant la fusillade, il a été blessé de plusieurs balles, dont une dans la colonne vertébrale qui l'a laissé tétraplégique. Pour lui, l'injustice persistera tant que Battisti ne sera pas extradé. Moi, je paie à vie. Je suis obligé de passer ma vie assis sur un fauteuil roulant à cause d'un attentat perpétré par son groupe. Moi, je fais ma prison à perpétuité. Lui aussi doit faire la sienne. Ce sont les faits qui le condamnent, pas moi. Toujours est-il qu'en France, justement, dans un dossier où décidément rien n'est simple et où tout renvoie à des faits vieux de 25 ans, la question qui monopolise les débats porte davantage sur la procédure, autrement dit, sur l'extradition. De son côté, la Ligue des droits de l'homme estime que Cesare Battisti n'est pas extradable pour trois raisons juridiques évidentes. D'une part, le principe de jugement par contumace en Italie ne lui permet pas de bénéficier d'un nouveau procès à son retour. D'autre part, il n'existe aucun fait nouveau qui permettrait à la Cour d'appel de Paris de statuer une nouvelle fois après le premier jugement de 91. Enfin, les engagements de François Mitterrand en 1985 à l'égard des ressortissants italiens mêlés aux événements dits des années de plomb ne peuvent pas être abrogés arbitrairement. De son côté, la romancière Fred Vargas dénonce un complot du pouvoir berlusconien qui tente par des pressions diverses d'infléchir la décision du gouvernement français. Pour elle, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une cabale contre un homme qui vit légalement en France depuis une dizaine d'années. Sur le plateau des Mots de minuit, face à Philippe Lefay, elle s'en explique. Quant aux faits qui lui sont reprochés, on a été obligé de venir sur ce terrain parce que là, il y a eu une propagande italienne terrifiante sur lui. À partir du moment où la France s'est mobilisée, ce qui est voilà, relayé par la majorité de la presse française, et ces faits, Battisti, il n'y a jamais eu la moindre preuve, ni le moindre indice, ni la moindre enquête. C'est en ça que ce n'est pas une justice ordinaire. Une justice pas ordinaire qui navigue dans la zone grise. C'est aussi l'avis de plusieurs centaines de ressortissants italiens qui manifestent devant le palais de justice de Paris au moment même où la demande d'extradition de Cesare Battisti est examinée par les magistrats. Deux mois plus tard, le 30 juin 2004, la Chambre de l'instruction écarte toute objection à l'extradition. Pour les magistrats français, l'ancien prolétaire armé devenu aujourd'hui écrivain bénéficiait d'une représentation devant les juridictions concernées et il a aussi été en situation d'exercer les voies de recours. Donc, les droits de la défense ont été préservés. Il peut être extradé vers l'Italie. Dans la salle d'audience, quelques cris et de brèves protestations se font entendre. Une militante, soutien de Battisti, hurle « C'est une honte, la justice française a été vendue ». Les gendarmes évacuent la salle avant qu'un rassemblement ne s'improvise à l'extérieur du palais face à des cordons de gendarmes. Dans les semaines qui suivent, Cesare Battisti est assigné résidence. Il vit dans un studio qui appartient à son ami Fred Vargas dans le 14e arrondissement. Surveillé 24 heures sur 24 par un important dispositif d'hommes de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, il reste dans l'attente de son extradition. Le 8 août, il déclare à l'AFP qu'il n'a jamais tué et qu'il peut le dire les yeux dans les yeux aux parents, aux victimes, aux magistrats. C'est la première fois que s'exprimant sur le fond de l'affaire, il affirme qu'il est innocent. Puis le 17 août au matin, tout s'accélère. L'écrivain italien ne se présente pas au commissariat dans le cadre de son contrôle judiciaire, alors la police se rend chez lui, elle ne trouve personne. Battisti a repris la route, il est de nouveau en cavale. Deux ans plus tard, en juillet 2006, alors que la procédure semblait être définitivement rangée au fond des terres noires du tribunal de Milan, nouveau coup de théâtre. L'écrivain, qui ne semble toujours pas avoir tranché entre l'oubli éternel et l'éternelle envie d'écrire, publie un nouveau livre, intitulé « Ma cavale ». Page après page, il décrit le parcours romancé de ses dernières années d'exil. À la lecture de ce récit, il apparaît possible que Battisti se cache sur un autre continent sous des latitudes, disons, équatoriales. Immédiatement à Paris, les soutiens les plus actifs de l'écrivain sont placés sous surveillance. Puis c'est Interpol qui délivre une étonnante information. La police brésilienne l'aurait informé qu'un fugitif italien prénommé Cesare se trouverait à Rio. L'information est avérée, puisque quelques mois plus tard, en mars 2007, l'écrivain italien est enfin interpellé sur la plage de Copacabana. Interrogé sur France Inter, Philippe Véroni, le patron de l'Office central de lutte contre le crime organisé, explique comment la police française a pu remonter la piste jusqu'à Battisti. Les investigations nous ont permis de déterminer, il y a de cela à peu près 3 semaines, 1 mois, que dans l'environnement de son comité de soutien, une personne devait se rendre à son contact. Plus précisément en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro, pour lui amener notamment des espèces. Nous avons pu identifier assez récemment cette personne. Nous avons établi une filature de cette personne qui a pris l'avion hier soir à direction de Rio de Janeiro. Nous avons engagé une collaboration étroite avec les autorités italiennes et les autorités brésiliennes qui nous ont permis d'identifier donc cette personne, de la prendre en filature et d'interpeller Cesare Battisti ce matin à Rio de Janeiro alors qu'il prenait contact avec cette personne. Il était apparemment réfugié au Brésil depuis au moins plusieurs mois, donc malgré la méfiance normale qui peut être celle d'un malfaiteur en fuite, il a été quand même assez surpris. Fait intriguant, pendant sa détention, Battisti affirme aux enquêteurs qu'il était suivi depuis plusieurs mois par la police qui n'ignorait donc pas où il vivait. Or, son arrestation en mars 2007 se déroule à quelques semaines seulement du premier tour de l'élection présidentielle en France et le premier à se féliciter du succès policier de l'opération, c'est Nicolas Sarkozy. Faut-il y voir un coup politique ? Par ailleurs, Battisti est interpellé avec 2 passeports en sa possession, dont l'un, affirmera-t-il plus tard dans une interview à Paris Match, lui a été remis par un homme proche du gouvernement à l'époque où François Mitterrand était président. Affabulation ou preuve que l'écrivain a bénéficié de complicité en France pour prendre la fuite? Après ce nouvel épisode, l'écrivain est incarcéré dans une prison brésilienne en attendant que l'on statue une nouvelle fois sur son sort. Mais 1 an plus tard, à la surprise générale, le ministre de la Justice brésilien lui accorde le statut de réfugié politique. Puis, c'est le président Lula qui, le 31 décembre 2010, au dernier jour de son mandat, annonce clairement qu'il refuse l'extradition de Battisti vers l'Italie. Une décision validée par la Cour suprême qui rend dès lors caduque toute requête de la justice italienne. Battisti est libéré dans la foulée et il obtient un visa de résident. Tout le monde pense alors que s'écrivent ici les dernières lignes de l'histoire de l'écrivain, âgé désormais de 61 ans. Et pourtant, le 3 mars dernier, une juge brésilienne a de nouveau demandé son expulsion vers la France ou le Mexique en raison de sa situation qui serait de nouveau irrégulière dans le pays. Et une fois de plus, Battisti se retrouve en liberté sous très haute surveillance. La décision du tribunal fédéral est attendue dans les prochains jours. Ironie de l'histoire, à l'inverse de ses anciens camarades de lutte qui sont enfin sortis de prison, Cesare Battisti risque d'y faire, lui, bientôt, son entrée. I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, vorrei sapere, I want to know, come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi inscatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know, I want to know, I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, perché la gente, I want to know, non dice niente, I want to know, I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. That I fight forever, for the veil of the fire. So whatever they have to rip that if or whatever the paper. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Vorrei sapere perché la gente non dice niente, chantait tout à l'heure le grand Adriano Celentano, ce qui pourrait évidemment s'appliquer à l'affaire Battisti dont nous allons parler avec vous maintenant. Carl Lasquet, bonjour. Bonjour. Journaliste à Mediapart, auteur de la première contre-enquête sur l'affaire, un ouvrage intitulé La mémoire du plomb, c'est un beau titre d'ailleurs, paru aux éditions Stock en 2012. Voilà, alors dans un dossier où le fond et la forme se mélangent, il est difficile d'essayer d'établir le vrai du faux, et justement Battisti a joué là-dessus. Alors, il aurait quitté le mouvement au début de sa radicalisation au mois de mai 78, en Italie. Pourtant, les témoignages semblent concorder pour dire qu'il a participé à d'autres actions par la suite. Alors, comme ligne de défense, il prétend ne pas avoir été suspecté par la justice italienne pour des homicides. Je ne vais pas vous demander s'il est innocent ou coupable, parce qu'après tout, vous ne le savez pas, moi non plus. La justice l'affirme, la justice italienne, mais enfin on attend des preuves. Il y avait quand même des éléments solides et de fortes présomptions contre Battisti. Et la justice italienne ne le recherche pas pour rien non plus. Alors, non seulement elle ne recherche pas pour rien, mais c'est ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, Battisti, dans plusieurs interviews, a lui-même avoué en fait sa culpabilité, enfin dans ses opérations, notamment. Dans les années 90, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est arrivé en France, et donc comme ça a été très bien raconté, il écrit, il participe à la vie littéraire, il se sent au fond libre de parler, et il écrit évidemment les romans dont on a parlé, qui sont très inspirés de l'action des prolétaires armés, mais dans des entretiens, il va confier, c'est dans quelques petits entretiens hein, dont on retrouve facilement la trace, mais qui sont passés un petit peu inaperçus. Il dit qu'il est coupable, enfin il reconnaît qu'il est coupable, il assume même ses responsabilités politico-militaires. Hein. Mmh. Il dit qu'il a fondé le groupe, qu'il a été l'un de ses responsables. Et petit à petit, il va être obligé, comment dirais-je, de rétracter sa mémoire en réalité, parce que effectivement, les Italiens, les autorités italiennes, n'oublie pas, les jugements, les faits sont très anciens. Hein. C'est sûr que 25 ans, il y a une forme de finalement d'anachronisme dans tout ça. Enfin, quand même. Sauf quand au plan pénal. Pardon de vous couper. Sauf que quand on entend le témoignage de cet homme qui était tétraplégique parce qu'il était victime du terrorisme, là on se dit que c'est aujourd'hui, que c'est pas dépassé, que c'est pas anachronique. Mais d'un point de vue moral, mais d'un point de vue pénal, d'un point de vue de l'histoire, disons, ouais. On parle de l'histoire. Il y a 25 ans en arrière, il se passe tellement de choses. Et donc il y a quand même une question du temps là qui joue, mais elle joue dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vrai que sa condamnation définitive, elle intervient en 93 hein, sur les différentes affaires et la fusion, des condamnations, puisqu'il a été impliqué dans plusieurs actions, dans plusieurs assassinats. Elle intervient en 97. Donc, en fait, là, on est 7 ans. Enfin, quand il est arrêté en France, on est 7 ans après la fusion des peines. La confusion des peines, pardon. Parce que ça fonctionne comme en France, c'est-à-dire que la peine la plus lourde englobe les autres peines. On n'ajoute pas comme aux États-Unis. D'accord. Voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est perpétuité. Donc, de plusieurs fois perpétuité, ça fait toujours perpétuité. Mais enfin, en tout cas, c'est à partir de là, disons que c'est à partir de là que Battisti entre dans un fichier de recherche qui est le fichier Schengen. Et qui va entrer comme parce que l'Italie elle-même entre dans le système Schengen et c'est à partir de là que les Français vont être obligés d'appliquer les règles de l'espace judiciaire européen. Dès le début, il y a confusion, c'est contradictoire, c'est compliqué. Parce qu'on l'a dit, François Mitterrand, en 1985, prend cette décision d'accueillir des personnes qui ont une maille à partir avec la justice de leur pays. Mais enfin, je crois qu'en 83, Robert Badinter refuse sa régularisation parce qu'il est recherché. Déjà, Badinter semble prendre la mesure du problème que ça va poser. Alors, c'est toutes les autorités, c'est Mitterrand, Defferre, Badinter. En réalité, il y a deux phases, en fait. Les Italiens, les réfugiés italiens arrivent à la fin des années 80, au début des années 80, à la fin des années 70, pardon. Et à ce moment-là, ils vont tenter collectivement de poser aux autorités françaises la possibilité de leur séjour en France, mais collectivement. Mmh. Et ça, c'est plusieurs avocats s'en chargent, les contacts sont pris. Mitterrand, comme candidat, s'est engagé à respecter le droit d'asile. Donc les relais des militants italiens en France font que on lui dit il faut maintenant faire le moment de respecter vos engagements. Et du coup, quelque chose s'engage. Il y a des listes qui sont transmises, etc. Et la machine va se gripper parce que naturellement les attentats continuent. Il y a une frange des Italiens qui continue, je dirais, à frapper l'État italien, et il y a des morts encore. Et puis par ailleurs, la France est touchée aussi. Il y a plusieurs attentats en 82, Carlos, Pierre Rue des Rosiers, etc. Des années de plomb à la française, quelque part. Ça grippe le mécanisme, je dirais, de venue des Italiens. Et ce qui fait que en 83, effectivement, donc il y a les listes continuent quand même d'être remises, mais 83, parmi ces listes, on figure Battisti, c'est-à-dire qu'effectivement Battisti est arrivé en France après son évasion, s'est évadé en fin 80, et il demande lui aussi de bénéficier comme les autres d'une possibilité d'asile. Et à ce moment-là, les services judiciaires du ministère de la Justice, qui sont entre les mains, sous la direction, placés sous l'autorité de Robert Badinter, décident que c'est pas possible d'accorder le séjour à M. Battisti, mais il est nommément cité évidemment dans ces documents, parce qu'auteur de plusieurs, et recherché, la vérité judiciaire n'a pas encore été établie, mais recherché pour plusieurs homicides. Et finalement, il est quand même accueilli. Il n'est pas accueilli, il s'en va à ce moment-là, en 83, il s'en va pour le Mexique. Le Mexique, il est accueilli plus tard. Il est accueilli, c'est un bien grand mot, disons, il est arrêté. Il revient, et à ce moment-là, il est arrêté, et la justice, regardant les mandats d'arrêt, les mandats d'arrêt ne tiennent pas pour des raisons juridiques, donc qui sont effectivement des problèmes que notent les juges français dans, c'est un peu technique, mais dans la rédaction des mandats d'arrêt. Et donc, ça lui permet de venir, pour le coup. L'extradition est refusée par la France à ce moment-là. Ça lui permet de rester. Les présidents de la République ne sont pas éternels, évidemment, et après François Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac. Quelques mois après l'arrestation de Battisti, là, nous sommes en 2004, on va écouter justement Jacques Chirac qui s'exprime sur l'extradition, enfin sur le cas Battisti. Nous sommes aujourd'hui dans un espace judiciaire européen, un espace judiciaire commun. Et si une personne a été condamnée pour des crimes de nature terroriste, en particulier dans une démocratie et un état de droit, il est évidemment de notre devoir et de notre responsabilité de répondre favorablement à une demande d'extradition. Bon, alors on sait que ces questions judiciaires internationales d'extradition sont souvent très directement liées aux relations bilatérales diplomatiques qu'entretiennent deux pays. Bon, Jacques Chirac voulait faire plaisir à l'Italie politiquement, c'est ça ? Battisti est un instrument de la diplomatie entre la France et l'Italie ? Il y a forcément les changements politiques qui ont joué un rôle, puisque Chirac nomme un premier ministre de droite, le gouvernement change. Jospin avait considéré qu'il pouvait encore appliquer, la jurisprudence officieuse de Mitterrand, c'est-à-dire l'accueil de la majorité des réfugiés, pas les plus impliqués dans les crimes ou dans les, mais disons que une partie d'entre eux, mais la majorité. Et le gouvernement change, Berlusconi effectivement est en mesure d'obtenir des choses différentes de Jacques Chirac. De Jacques Chirac. Alors, grosse contradiction, qui est d'ailleurs dans tout le récit de cette vie, de cette histoire Battisti, c'est que Battisti lui-même, pour sa ligne de défense, justifie sa fuite d'Italie par l'impossibilité de pouvoir se défendre en Italie, ce qui est porteur d'une contradiction. On va l'écouter, puis on va en parler après. C'était pas possible de se défendre à ce moment-là. C'était clair et net, c'était une défense impossible. Donc, les condamnations tombaient comme la grêle. Hein. C'était alors, minimum 10-15 ans pour un rien du tout. Et puis voilà, moi je suis condamné par des délits et des crimes qui ont été commis par l'organisation dont je faisais partie. Et cela ne veut pas dire que je les ai commis. Alors, Battisti dit, je n'ai pas pu me défendre devant la justice italienne, mais enfin, il a fui le pays. Donc, oui, il y a une contradiction majeure quand même. Bah, déjà, il s'est évadé, hein, de prison, et puis voilà. Après, il a effectivement... Et pourtant, il a toujours cette ligne de défense, tout le temps. C'est les contradictions de ce personnage, ouais. En sachant qu'il a été représenté par un avocat dans ses procès. C'est ce que vont soutenir les autorités italiennes. À juste titre ou... À juste titre. Voilà. Alors, en 2007, lorsqu'il est arrêté cette fois au Brésil, les enquêteurs retrouvent sur lui deux passeports, on l'a dit, dont un, il affirmera par la suite qu'il lui a été donné par un homme proche du gouvernement, à l'époque où François Mitterrand était président. Alors, est-ce que ce sont des affabulations d'un homme en manque d'inspiration, ou qui a peur, ou un véritable élément qui permet d'insister sur des soutiens en haut lieu? Il y a aucun élément, je dirais, probant qui ait pu accréditer cette thèse du passeport fourni par un ancien responsable. Il faudrait pouvoir le voir, hein, ce passeport, il le dit, mais il l'a pas montré. Ça paraît comme ça, plutôt, je dirais, une façon pour lui de dire, de rappeler, hein, qu'il s'estimait protégé par Mitterrand, à tort ou à raison, plutôt à tort. Car Lascaux va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de cette affaire Battisti après avoir écouté Véronique Sanson, Bernard Song, c'était en 1977. Pour le meilleur ou pour le pire, je crois bien qu'ils ont la nuit et temps. Lasker. Dans sa contre-enquête, l'historienne et romancière Fred Vargas pointe un fait troublant. Les fausses lettres de mandat, on aurait récupéré la signature de Battisti pour la poser en bas de documents officiels de la justice et par la justice. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Je pense que c'est un argument, c'est un argument pas très sérieux en réalité. Bon, d'ailleurs, il a été soulevé devant les juges français qui l'ont écarté. Ce qui s'est probablement passé, il y a des anomalies. Il y a une anomalie de signature très clairement, mais ce qui s'est probablement passé, c'est que n'oublions pas que Battisti était en fuite, hein, et donc il a signé des mandats en blanc. Et c'est ces mandats en blanc de fuyard en fait qu'ont utilisé ses avocats, mais ça n'invalide pas pour autant l'action de ses avocats qui étaient présents. Enfin, c'est un argument un peu juridique, un peu spécieux, un peu dur pour les avocats, parce que les avocats quand même c'est se retourner contre ses avocats en disant les mandats n'étaient pas valables, ses avocats m'ont mal défendu, etc. Alors que je pense que Battisti a eu quand même la chance pendant ces années de compter sur justement des avocats un peu engagés, des collectifs aussi de défense de tous les réfugiés et de tous les anciens militants qui étaient comme ça un petit peu en perdition. Et donc là, Fred Vargas lui fait opérer un virage un peu à 180%, 180 degrés, qui est de dire non, j'ai été mal défendu, trahi par mes avocats, et en plus, mon propre collectif refusait de me laisser parler de mon innocence. C'est un petit peu ça le sens de son revirement, en fait, avant son départ. Cette affaire est passionnante parce que elle dégage deux morales à laquelle on adhère à l'une des deux morales. La première, c'est que donc elle est défendue par les gens qui disent mais arrêtez de vous acharner quoi, c'est bon, c'est sur un homme et puis les faits sont vieux et puis la France avait pris des engagements de terre d'asile. Bien. L'autre morale qui dit écoutez, l'Italie doit panser ses plaies, l'Italie avec des années terribles, le peuple italien demande des explications, il demande de la justice pour que certains puissent faire, comme on dit, son deuil, et puis d'autres un besoin de justice, tout simplement. Donc de quel côté vous vous placez de ces deux morales-là, vous, qui supportent soit le soutien à Battisti, soit un combat contre lui? Je pense qu'il y avait quelque chose qui pouvait, réunir un peu toutes les positions, c'était de dire que, alors peut-être pas celle de Battisti, mais c'était de dire qu'effectivement, Battisti avait besoin d'un nouveau procès. C'est-à-dire que Battisti, objectivement, il était présent au tout premier procès, mais dans lequel il n'était pas incriminé directement. Mais effectivement, les procès qui l'ont condamné à perpétuité, il était représenté par un avocat, il n'était pas présent. Et c'est vrai que la justice française, par exemple, elle refaisait les procès dans ces cas-là. Voilà. Donc le fait que Battisti, rentrant ou étant arrêté, n'ait pas droit à un procès en sa présence, c'est vrai que ça pose question et que peut-être que la bataille juridique qu'auraient dû mener ses soutiens était de dire cet homme a droit à un procès. Aujourd'hui. Voilà. Merci Karl Lasker, merci pour vos éclairages. Je rappelle que le titre du livre que vous avez écrit, La mémoire du plomb, c'est un très beau livre sur cette affaire-là. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Battisti, avec à la technique Éric Morin. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le congrès PS, Parti Socialiste, de Reims. C'était en 2008.